On va y aller avec les prix orange et citron de la semaine avec notre ami Marc Diquet de Radio X. Salut Marc. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Marc, on va y aller avec tes prix orange et citron. OK, ben on va commencer avec le citron. Oui. Puis c'est quasiment un prix futuriste que je vais donner parce qu'honnêtement, cette semaine, il n'y a pas grand-chose dans le monde du sport qui m'a révolté. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a un beau site qui s'en vient. C'est le contrat de Bryce Harper. Ah oui, oui, oui. Bryce Harper, puis pour être un fan des Nationals, je suis allé les voir à Washington à quelques reprises, puis sur la route aussi. C'est une équipe que j'aime bien. Mais c'est parce Bryce que c'est Harper, les anciens expos? Non. C'est quand ils ont commencé à repêcher. T'sais, ils se sont ramassés une équipe quand même avec beaucoup de talent vers 2000, vers 2009-2010. Et Steven Strasburg, entre autres, a attiré mon attention. Puis moi, les équipes avec des avec un bon quatuor de partage, j'aime ça. Tu sais, comme les Braves d'Atlanta des années 90 ouais. avec Maddox, Glavine. Pas de manière, t'avais des lanceurs intéressants à Washington. J'ai toujours aimé ça, des équipes avec un bon corps de lanceurs partants. Ouais. Puis les Nationals m'intéressaient. Je crois qu'ils étaient jeunes. Je crois que c'est le fun à voir. Puis tu sais, Bryce Harper, quand ils l'ont repêché, puis moi, je l'ai vu à sa première saison, un match à Boston. Je dis, hey, ça va être quelque chose, gars-là. Ça va être bon, ça va être bon. Effectivement, Bryce Harper, c'est un bon joueur. Ouais. Mais de là à vouloir des contrats de 330-350 millions, c'est pas... c'est moi, le meilleur joueur de baseball que j'ai vu, de mon vivant, là, à l'âge que j'ai. Puis là, vous allez dire, ouais, mais le gars, c'est piquant, ouais, peut-être, là. Mais Barry Bonds, ça, c'est un joueur de baseball incroyable. Même avant les stéroïdes, là. T'sais, défensivement, il était irréprochable, rapide sur les sentiers, dur à retirer sur trois prises, frappe au-delà de la moyenne, frappe des longues balles. T'sais. Bon, c'était une tête de bœuf hors du terrain, mais bon, peu importe. Mais t'sais, Bryce Harper, c'est pas ça. Là. Bryce Harper, c'est un gars qui est capable de frapper pour 300. L'année d'après, il va aller frapper pour 250. T'sais. Ouais. Il est pas. T'sais, il a produit 100 points cette année, fine, mais c'est pas. Puis oui, il y a seulement 26 ans, là, mais honnêtement, là, l'équipe qui va signer Bryce Harper, entourée comme que ce gars-là, pour être bien élevé, pour oublier que Bryce Harper est sur ses rôles. Il est grand pour en éliminatoire. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Il a rien fait, il a absolument rien fait actuellement. Non. Fait que, donc, c'est vraiment, là, écoute, il a pas transporté son équipe. Pis, jamais. Tu sais, en séries éliminatoires, il n'a jamais été donné. Je ne sais pas s'il va l'avoir. J'ai hâte de voir s'il va l'avoir. Là, parce qu'il n'y a pas grande équipe. On dit que les Phillies de Philadelphie actuellement sont en avance dans le portrait, mais il y a 4-5 équipes qui pourraient, je dis bien, qui pourraient lui donner ce 350 millions-là. Puis encore. Ah, il va l'avoir. Il va l'avoir. Il y a toujours un cave quelque part qui va mettre de l'argent. Tu sais, puis ça ne sera pas un flop, là. Ouais. Mais ça sera pas un grand succès non plus, là. Ça sera pas... Tu sais, c'est un bon joueur. Je le dénigre pas, là. Mais c'est pas le grand joueur qu'on pensait. Puis, là, c'est, oui, il est jeune, là. Mais il y en a des jeunes, là, de 25-26. Le baseball a beaucoup changé depuis 20 ans, là. Des gars de 21-22 qui ont de l'impact, t'en vois déjà, tu sais. Regarde la recrue de l'année, là, du côté des Braves d'Atlanta. Il y a quoi? Il y a 21, 20, des jeunes, là. Ah oui, il est très jeune, là. Ouais. Fait que, non, moi, Harper, sincèrement, l'équipe qui va signer ça, faites bien attention. Ouais, et puis tu sais jamais, hein, normalement, il y a toujours une baisse de régime. Après avoir signé un gros contrat. Là. Pas sûr il peut avoir des blessures, il peut avoir toutes sortes d'affaires. Non, regarde, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est sûr, quand tu t'appelles les Yankees ou les Dodgers, c'est moins stressant. Il y a aucun problème. C'est moins stressant. Mais je pense que les Phillies de Philadelphie, actuellement sont dans le coup. Prix orange, oui. Ouais, prix orange, écoute, je vais être très local. Je vais avec les Gaillards de Jonquière. Oui, les Gaillards qui ont fait toute une remontée la semaine dernière. As-tu vu le match? J'ai vu des extraits. OK. J'ai vu des extraits. Écoute, toute une remontée. Hein. Ils tiraient de l'arrière jusqu'à la fin. Ils ont remonté. Sauf erreur, je pense que c'est 18-17 là, le pointage. Je ne l'ai pas devant moi, mais je pense que c'est 18-17. Tu sais, on fait 18 points sans réplique. Là, aujourd'hui, ils vont jouer pour le bol d'or du côté de Montréal, contre Onsic. C'est le fun d'avoir une équipe régionale, tu sais, se rendre jusqu'au bout, en fois. Puis, c'est le fun d'avoir... Puis, c'est une belle... Tu sais, puis j'espère que ça va donner le goût à plus de jeunes de jouer au football dans la région, vraiment, qui est un sport qui est bien organisé, qui est un sport qui est, tu sais, c'est court, mais c'est intense, mais c'est le fun, tu sais. Mais tu parles de ça, Marc, et Football Québec, tu sais, ils ont plein de... Il y a une grosse baisse du football, des inscriptions au football en raison des commotions cérébrales, puis si Football Québec serait un petit peu wise, là, ils ont probablement le gars, le meilleur ambassadeur au Québec, qui est irréprochable, qui joue au football, qui pourrait être un modèle pour les jeunes pour s'inscrire au football, puis il ne s'en sert pas. Laurent Duvernay-Tardif. Là, on te perd, Marc. On te perd, mais Laurent Duvernay-Tardif, est-ce que tu saches, c'est un modèle pour la jeunesse, là, puis il joue au football. Moi, j'ai fait. Marc, on se perd. Peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est un modèle, point, ce gars-là. Ouais. Mais, ouais, mais tu sais, il y a des On t'a perdu un bout, Marc. On t'a perdu. Aussi, on t'a perdu un bout. Évident, Marc, on t'a perdu un bon bout. Fait que j'aimerais ça que tu répètes ce que tu as dit. Sur une raison d'état de Ouais. Ok. Fait qu'on y va dans 3, 2, 1. Ouais. Effectivement. Laurent Duvernay-Tardif, là, c'est un modèle point final. Tu sais, c'est pas juste un modèle pour le football, c'est un gentleman. Pour l'avoir rencontré, là, pis, il est aussi smart avec caméra que hors caméra. Mais tu sais, je veux dire, ça pourrait être un ambassadeur, effectivement. C'est le Jean Béliveau des temps modernes, je dirais. Ah oui, oh oui, carrément. On n'exagère pas en disant ça. Ouais. Je vais être pas fin, OK? Je vais être vraiment pas fin. Là, mais j'ai regardé le match. Puis je sais pas si tu l'as vu la semaine dernière, le match entre les Carabins et le Rouge et Or. Non, malheureusement, je suis pas la ligue, cette ligue-là. OK. Quel match plat. Quel mauvais match. Puis je pensais à Laurent Duvernay-Tardif, puis je regardais ça, puis je me disais, hey, le gars, il jouait là-dedans. Puis dans NFL, incroyable, pareil. Tu sais, au clair, à Tampa Bay, même maudite affaire. Ouais, les gars, tu sais, je veux pas dénigrer le circuit québécois universitaire. On vient de loin, là. On vient de très loin. Puis quand tu regardes la NCAA, même Division 3, ces équipes-là se feraient démolir comme ça se peut pas. Ouais. Tu sais, c'est comme, là, je te dirais que c'est comme si un midget 3A, puis peut-être même en bas, réussit à faire la Ligue nationale de hockey. C'est incroyable, là. Oh, ouais. Mais t'as raison. Je pense que le football Québec aurait peut-être une petite introspection à faire. On va étudier notre sport. Ils sont peut-être là-dessus déjà, j'espère. Mais effectivement, là, on m'a dit que Football Québec c'est un organisme qui dormait aux gosses. Puis regarde, si tu ne sers pas d'LDT, tu dis un modèle tout court, mais t'as le modèle pareil. T'as le modèle par excellence. Jean Béliveau des temps modernes, puis tu t'en sers même pas. Quand ton sport est en pleine diminution d'inscription, il y a quelque chose, il y a quelques questions à se poser là-dessus. Mais tu sais, Danny, es-tu impressionné par Hockey Québec? Non. Tu sais, c'est des fonctionnaires, hein? Ben, et voilà. Puis, écoute, j'ai peut-être un autre prix. Ça vient de me popper dans la tête. J'ai un autre prix orange. Oui. Martin Pouliot, le coach des Voyageurs. Oui, les Capitals de Washington également. Oui, dans la vie, il est dépistable. Oui. Il va amener la Coupe Stanley à Chicoutimi, au Montagnet, le 25 novembre, vers 19h, 19h30. Toute la population va pouvoir le voir. Puis, quel beau geste. Parce que Martin Pouliot, là, il n'est pas obligé de faire ça. Non. C'est un gars de Québec. Il va se taper le parc. En plein dimanche soir pour l'amener au monde de la région, il n'est pas obligé de faire ça. Même s'il ne faisait pas ça, je pense que personne n'aurait dit, mais il n'est pas sur Matt. Non, il a pensé au monde de la région. Pas honnêtement, là, Martin Pouliot, là-dessus, là, c'est 5 étoiles. C'est bravo ce qu'il fait. C'est le fun. Puis, écoute, moi, je ne l'ai jamais vu à Coupe Stanley. Je vais probablement y aller là, ce soir-là en chapelle ardente. Parce qu'il va avoir un chapelle ardente. Mais bravo, bravo à Martin Pouliot. Moi, mon prix orange, c'est, écoute, c'est très, très, très local, Marc. Ça te dira rien, mais il faut que je le souligne. Les frères Thomas et Jean Ouellet, Thomas Ouellet est décédé cette semaine. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'il sera exposé, célébration de la vie également. Pourquoi que je dis ça? Parce que, écoute, Thomas et Jean Ouellet, Jean qui est décédé l'an dernier, c'est plus de 100 ans de bénévolat à Dolbeau-Mistassini pour le hockey mineur. Ah. Tu sais, écoute bien, ces gens-là, ils faisaient ça pour l'amour du hockey, pour l'amour des jeunes. Puis, c'est toute une génération de jeunes hockeyeurs qui se sont fait lasser les patins par Thomas Ouellet et Jean Ouellet. Puis je pense que ça mérite un gros prix orange là-dessus. J'espère, je l'ai marqué sur les médias sociaux, j'espère que la ville de Dolbeau-Mistassini, en collaboration avec le hockey mineur, va faire en sorte qu'il y aura une photo qui pourrait être mise à l'entrée du complexe sportif de Dolbeau pour un peu souligner ça. C'est un beau clin d'œil, puis ça coûte rien. Fait que, tu sais, pourquoi pas. Et mon prix orange, citron, là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est Le'Veon Bell. Ah oui. Des Steelers de Pittsburgh qui, lui, il a laissé 14 millions et demi sur sa, évidemment, une offre de contrat. Et pas juste ça non plus. C'est que Ben Roethlisberger lui a envoyé un petit texto pour lui dire que c'est ta dernière journée que tu peux signer. Puis finalement, il a même pas retourné le texto. Les Steelers sont en pleine course. C'était des sérieux aspirants au Super Bowl. De l'art de laisser tomber ses coéquipiers. Tu es d'accord avec moi, Marc? C'est épouvantable. Parce que, puis même là, même pour lui personnellement, là, parce que l'an prochain, il ne gagnera pas 14 millions. Là. Non. C'est impossible. Là. C'est impossible. C'est incroyable ce que ce gars-là. Mais tu sais, au football, malheureusement, puis tu connais mon amour de la NFL, c'est encore le sport où il y a les plus belles têtes de sucre. Ouais. C'est vraiment le sport où il y a les morons sont rois. Malheureusement. Puis Le'Veon Bell, ça. Tu sais, il s'était fait pogner. N'oubliez pas, il y a une couple d'années. Là, il avait été suspendu 4 matchs parce qu'il avait fumé du pot pendant l'entre-saison. Ouais. Quel imbécile! Dans la NFL, man, wake up! Quel cave! Fait, moi, honnêtement, Le'Veon Bell, tu sais, à la base, il y a une équipe que je déteste dans le sport professionnel, puis c'est les Steelers, là, malheureusement. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ils en ont même pas besoin. En plus, Connor fait une job incroyable. Ouais. Mais c'est sûr qu'une blessure, surtout, tu sais, les porteurs de ballon, ça peut arriver assez vite, tu sais. Fait que ce gars-là avait tout à gagner, puis tu l'as dit, ben, ils sont aspirants. Moi, je pense pas qu'ils sont dans la même classe que les Rams, les Chiefs, puis les Saints, là. Mais c'est une équipe qui aurait pu faire un bon bout de chemin en éliminatoire. Vont probablement le faire pareil, là, tu sais. Mais, honnêtement, tu sais, Big Ben, il achève, là. Ouais, écoute, à chaque fois qu'il se ramasse au sol, on pense qu'il est mort, là, tu sais. C'est un gars qui est robuste sur son corps. C'est pas comme Tom Brady. C'est un gars qui est très robuste sur son corps, là, qui joue dur avec son corps, là. Il faut pas qu'il ait 41 ans comme Brady. En plus, je ne sais pas si tu as vu des matchs des Steelers récemment, ouais. Mais Big Ben, là, il a tellement une O-line dominante en avant de lui, il a quasiment le temps de se caler une pizza puis se commander des albums au Club Columbia, puis il n'y a personne qui arrive proche de lui encore. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Tu sais, fait que non, c'est Le'Veon Bell, effectivement, avec raison là-dessus. Là. Je te donne 100%. Oui, effectivement. Marc, félicitations, puis on t'écoute la semaine prochaine sur Radio X Saguenay, à midi pile, et également le matin. Oui, Radio X pour encore quelques temps. Ah oui, ça va s'appeler finalement, ça va changer de nom, finalement? Ben, c'est là. Maintenant, on n'est plus avec RNC, on est avec Cogeco depuis. Depuis quelques jours à peine, là. Mais c'est toujours 95.7, c'est toujours le même monde. Moi, je pense que ça va s'appeler 95.7. Quand on regarde les stations Cogeco, ça s'appelle toutes par le nom. Ouais, peut-être. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Puis je te bullshit pas en disant ça, je sais pas ce qu'ils vont faire comme nom. Mais ce que je sais, c'est que tu sais, il y a du monde qui compte dans cette station-là. Puis il n'y a pas. On est quand même numéro 1, là. Fait qu'il n'y a pas grand changement. Tu sais, les gens seront pas déboussolés parce qu'il va arriver là, au 95-7, au Mac-Kick. Puis même pour nous autres, tu sais, des fois, on appelle pour bouquer une entrevue, on dit « Oui, bonjour, Marc Duguay, Radio X Saguenay. » Mais là, « Whoop, d'ailleurs, là, ça va disparaître, là, tranquillement. » Effectivement. Hey, dis-moi, c'est que tu penses de ça, toi, la fermeture de... Ben, c'est une formalité de la station. Ouais, le sport. Ouais? C'est imprévisible. Ben, écoute... C'est une question de temps, mais que ça arrive, parce que... Malheureusement, cette antenne-là, c'est un fouet à Montréal. C'est pas une antenne. Tu sais, elle rentre pas sur la rive sud, elle rentre pas sur la rive nord. Puis il y a du monde là-dedans qui ont quand même des très bons salaires. Là. Ben ouais. Puis tu sais, moi, j'ai tant mieux pour eux autres. Je suis pas jaloux. Sauf que quand t'es même pas capable d'aller chercher 5% des parts de marché. 1,3% qu'Alain Dufresne me disait. Ouais. 1 point. Puis TSN Radio, là, qui est du côté anglophone, 2,1. On s'entend-tu que TSN Radio n'a pas un bassin d'auditeurs beaucoup moins large que peut avoir le 91.9? Ouais, mais leur antenne est quand même un peu plus performante. Là, ouais. Sauf erreur, ils sont sous l'AM, je pense. Ouais, c'est ça. Ça rentre plus loin, sauf que, tu sais, moi, je pense que malheureusement, on n'est plus dans les années 80. Tu te rappelles, Danny, dans le temps, là, quand on voulait de l'information, il fallait écouter la radio. Ouais. Puis des fois, les animateurs de radio n'avaient même pas l'information d'un match. Hey, écoute, tu sais, un match, là, Nordic Kings, là, à Los Angeles, là, on ne savait pas ce qui se passait. Ouais. On le savait le lendemain, puis des fois le lendemain tard, puis tu sais, c'était pas, on avait le score, mais c'est tout, tu sais, puis il y a personne qui avait eu le match. Là, maintenant, tous les matchs sont à la TV, t'as TVA Sports, t'as RDS, t'as les sites web, tu sais, c'est une station, là, puis en plus, si la station de sport est à Montréal seulement, là, tu te limites à Montréal, parce que tu peux pas avoir une station de sport provinciale, moi, je crois jamais, là, puis il y a personne qui va mettre une antenne sport 24h/24 au Saguenay, impossible. Ben moi, je vais te dire que pas de concession sportive, pas d'antenne, pas de concession sportive majeure, je te parle. Il y a quand même le Rocket de Laval. Dans le Rocket, oui. Il y a le Rocket puis les shows de boxe. Puis soyons honnêtes, là, c'est les concessions sportives que le 98.5 ne veut pas. On va se le dire, c'est ça, là. Donc, c'est très difficile de vivre là-dedans. Moi, ce que je pense, quand tu parles d'une... Ça fait 5 fois que ça change de vocation, à peu près quoi, 7-8 ans? Ça a été la Radio Classique, ça a été Radio 9, ça a été Radio X Montréal, ça a été... C'était Radio Jazz, là, ouais, quelques années. Là. Radio Jazz, donc ça a changé plusieurs fois de vocation. Tu sais, à un moment donné, le problème, c'est peut-être pas le contenu, mais c'est peut-être la l'antenne, hein. Tu peux pas... Ben, c'est pas de grosse antenne, tu sais, ça, c'est... Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont vraiment, vraiment pas... T'sais, l'antenne n'est pas forte à Montréal. En partant, là, ça a toujours été un problème, cette antenne-là. Là. Mais c'est viable. Moi, je pense que c'est viable, une station sportive. Quand c'est KC Sport, à l'époque, ça a pris le ministère... C'était quand même break-even. Puis c'est le ministère des Transports qui est arrivé avec un gros chèque, qui a dit, on veut avoir une station pour le trafic à Montréal. Mais ça faisait vivre. Mais par contre, t'avais une puissance, KC Sport, puis t'avais un réseau. Ouais, mais tu sais, ça... S'ils l'ont vendu, c'est parce qu'ils ont peut-être vu à long terme aussi que ça pouvait pas marcher. T'sais, moi, je pense, puis tu sais, je sais pas si tu connais le produit de la radio satellite. Tu sais, radio satellite, ça, t'as ça partout, là. Je veux dire, moi, j'allais dans ma voiture, puis mettons, j'écoute un poste de musique, puis je m'en vais à Cincinnati au football, ben, je vais me pouvoir changer de poste. Tu sais, tout le long, je reste à ce poste-là. Puis il y en avait déjà eu un poste sur XM à l'époque de sport. Bon, c'est sûr qu'il y avait du monde là, que c'était un peu spécial, là, ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que le mix, c'est une radio web? Moi, je pense qu'on est peut-être en web et satellitaire en même temps. Moi, je pense que, tu sais, t'en as beaucoup de sport. Là, c'est rendu. Puis tout le monde a son podcast aussi aujourd'hui. Faut pas oublier ça. Puis ça nuit à tout le monde. Là. Ça nuit même à Radio X Saguenay. Là. Tout le monde a son podcast aujourd'hui. Fait que quand t'écoutes un podcast, t'écoutes pas Radio. Ouais, mais moi, honnêtement, puis là, là, tu vas dire, ben, c'est sûr, le gars, il défend son produit. Là. Nous autres, avec du parler dans la région, tu sais, des podcasts dans la région, là, sur l'actualité, il n'y en a pas, là. Mais non, il n'y en a pas. Mais je te parle en province. Je te parle. Oui, mais si j'écoute, ce que je veux dire, c'est que si j'écoute un podcast, regarde, ce matin, j'ai écouté le podcast de RDS. Ils ont un podcast sur le. Un matin, j'ai écouté le avec Didier Méjus. J'écoute pas Radio X pendant ce temps-là. Là. Ah, ouais, ben, c'est sûr. C'est sûr, sauf que, tu sais, le monde qui veut de l'information, qui veut savoir ce qui se passe, tu sais, vraiment dans leur vie de tous les jours, leur région. Tu sais, je pense que, rendu là, la radio parler, elle est dure à battre dans n'importe quelle région du Québec où vous êtes, tu sais. Mais, tu sais, regarde, Paul Arquin, ça va très bien à Montréal, Tu sais, nous autres, ça va bien, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te dis que nous autres, comme ça, ben oui, ce qui est spécialisé, ça va chercher sa part avec les podcasts, effectivement. Mais tu sais, comment est-ce qu'on est au Québec? Ouais. Les podcasts, c'est peut-être l'endroit où on est plus reculé encore en Amérique du Nord. Oui, effectivement. Marc Diquet, un gros merci. On s'en reparle bientôt. Plaisir. Salut, Daniel. Marc Diquet de Radio X.